c'est l'invité explosif. Oui, des fois le jingle ne part pas. Oui. Alors Alexandre, tu as beaucoup d'actu te concernant. Tu es actuellement dans, on l'a disait tout à l'heure, dans Love Circus, ouais. Au Folies Bergères jusqu'au 12 juin. Voilà. Donc là, faut que tu te dépêches, c'est à 20h. Tu peux nous parler un petit peu du spectacle? Alors, c'est une comédie musicale fin, qui est montée comme une revue circassienne qui a été créée l'année dernière au Folies Bergères, enfin il y a un an et demi maintenant au Folies Bergères, et qu'on a repris cette année parce que ça avait très bien fonctionné. Et voilà, on a eu meilleure comédie musicale 2014 par les Étoiles du Parisien. C'est un super spectacle qui mêle les arts du cirque, la danse, avec des chansons cultes. C'est que des reprises insérées à une histoire originale. Donc voilà, c'est très coloré, c'est festif. Donc voilà. Mais pas que, il y a des numéros qui sont très émouvants, notamment oui. Vincent Eden accroché là-haut, c'est magnifique ouais. Ça. Ouais, y a qui chante Les Moulins de mon cœur. Il y a de tout en fait, ça va de Kiss. De Feu Prince en passant par les feuilles mortes Feu Kiss aussi c'est ce que j'allais dire voilà il y a vraiment de tout, on passe du rire je vais pas dire aux larmes parce que ça reste un divertissement, mais à des moments très touchants. Et puis Stéphane Jarny qui a fait la mise en scène esthétiquement a créé un truc incroyable. Donc surtout voilà. Folies Bergères, c'est sympa. Oui. Voilà, le lieu est superbe. Le lieu est sympa. Et cet été, tu seras au Festival d'Avignon pour y jouer le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est le Cabaret Blanche. Pas du tout. Ah bon? Je joue 31 cette année. Ah d'accord. C'est marrant parce qu'en plus, on l'a dit hors antenne. Oui. Vous n'écoutez pas. Ah non, écoutez, regardez. Parce qu'il a aussi une actu Cabaret Blanche, mais qui est en ce moment là. Alors Cabaret Blanche, on tourne. Ouais. Ah bah vas-y. C'est ça. Corrige-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est ça la mistake. J'avais imprimé avant qu'on parle. C'est les aléas du direct, hein, finalement. Non, c'est ça. Allez, 13, je vous avais dit. Mais si ça se trouve, on apprendra que je ne suis pas Alexandre Petrouni. Je m'appelle Nicolas. Je sais pas ce que je fais là. Non, Cabaret Blanche, on l'a joué effectivement l'été dernier à Avignon. Là, on a tourné cette année et on jouera au Théâtre 14 à partir de janvier 2017. Yes. Donc voilà, qui est un super spectacle, un peu dans l'univers Buster Keaton, Chaplin. Voilà, sur la Première Guerre mondiale. Et là, cet été, on joue à Avignon 31, qui est une pièce musicale mise en scène par Virginie Lemoine. On est quatre, c'est une superbe équipe, c'est une jolie fable sur l'amitié qui traite un peu de tout. Donc c'est l'histoire de quatre amis autour de Nouvel An. On commence le 31 décembre 99, ils vont tous s'embrouiller et après on part en arrière pour aller 98, 97 et on recule 20 ans en arrière. Et après, on revient au premier Nouvel An pour avoir la suite de la première scène. De l'embrouille. De la chevalerie, ouais. Savoir comment ça se finit, comment ils en sont arrivés là. Et on fait trois dates au 20e théâtre pour roder le spectacle avant Avignon, le 30 mai, le lundi 20 juin et le lundi 27 juin. Oui. Et alors, j'ai vu que tu étais tombé très jeune dans le musical, puisque tu intègres l'Opéra Royal de Wallonie et le Théâtre Arlequin dès l'âge de 11 ans. Voilà. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? En fait, à l'époque, j'étais à l'Académie de musique. Gretry, et je faisais du chant. Et puis à l'époque, ma prof s'occupait de la maîtrise de l'opéra et elle m'a proposé d'auditionner. Donc je suis rentré, je fais partie de cette maîtrise là pendant quelques années et j'ai enchaîné avec le Théâtre Arlequin où à l'époque ils cherchaient quelqu'un pour jouer le petit prince en Belgique pendant 2 ans. Donc j'ai fait ça, j'étais joliment perruqué, un mélange entre Claude François et Mireille Mathieu. Tu étais le mal aimé. Voilà. Mais je ne l'ai vu, je ne m'en suis rendu compte qu'en voyant les photos plus tard, quelques années après. Par les casseroles, à l'époque ça allait. Et donc voilà, après j'ai eu la chance d'enchaîner plutôt vite, donc tant mieux. Et oui. Donc voilà, je me suis formé en Belgique et puis après je suis arrivé à Paris, là ça va faire 10 ans. Bah cool. Ouais. Bah non mais ça allait très vite, c'est beau parcours, ça allait très vite, donc tant mieux. Voilà, verra. C'est ce que j'allais dire, regarde la voilà. On verra de quoi demain sera fait. Merci Alexandre. Ouais, merci. Ouais.